L'inspiration, elle vient premièrement et surtout des rencontres que je peux faire sur le terrain. C'est vrai que lorsqu'on rencontre une femme qui vous parle de sa fille qui a disparu, lorsqu'on rencontre une fille qui raconte comment son père a été exécuté sommairement pour avoir simplement essayé de défendre la terre, lorsqu'on rencontre un syndicaliste qui a été emprisonné pour avoir défendu les droits des travailleurs, lorsqu'on rencontre un lanceur d'alerte qui vous raconte à quel point sa situation a changé du jour où il a révélé des actes de corruption ou de mauvaise administration. Bref, quand on rencontre les défenseurs, c'est une source d'inspiration formidable. Et la participation aux réunions internationales dans lesquelles je rencontre des défenseurs, c'est un des moments à la fois d'émotion et en même temps de motivation extrême qui continue à m'inspirer. Le deuxième élément, c'est le fait que j'ai le sentiment que rencontrer ces défenseurs, ça vous donne de l'énergie pour aller un peu plus loin. Et chaque fois, on pense que le but est atteint, on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux combats à mener, de nouveaux acteurs à confronter. Je pense principalement actuellement au monde de l'entreprise, qui est un domaine très difficile, sur lequel quelques résultats positifs ont été atteints. Et je pense que l'inspiration venant des défenseurs nous pousse chacun à aller toujours un peu plus loin et à dépasser nos propres limites pour être efficace sur la protection et la défense des droits humains.